Moi j'ai une Squier, une B-Squier, je l'aime bien. Faut qu'elle sonne bien, la basse. J'en ai une autre, je la sors jamais. Là, tu fais carrément des accords à la basse. Ça, c'est même pas la peine. Alors là, c'est joli avec les harmoniques et tout. Vous essayez un petit morceau avant que j'aille dormir. Je vous écoute. Tu mets de la batterie, quelque chose, non, Babeu? Où j'en mets? Bah oui, mais c'est tous les musiques aussi sont comme ça. Bah, j'essaye de mettre une petite batterie. Mais moi, ce soir, je peux pas jouer parce que. Enfin. La basse, je peux la brancher en direct, mais. Comment dire? J'ai une nana qui entend. Qui dort d'un sommeil très léger. Des fois. Non, mais sans déconner, c'est pas. Déjà, je parle doucement parce qu'une fois, je chantais le soir comme ça. Puis elle descendait et dit putain, tu gueules là. Non, mais je peux faire péter un tout petit peu, mais vraiment doucement. Ça va gueuler. Je branche ma basse direct sur la carte. C'est direct sur la carte son. Mais des fois il y a la latence. Avec la latence. Elle est pas accordée. Hein. Oui, ça c'est pas qu'on enlève l'oreille. Bon, je vais mettre un peu de batterie. Ça va comme ça? Ouais, je connais ça. Sur la mesure. Merde, regardez. Qu'est-ce que t'as dit? T'as de quoi faire? Bah parce que en réécoutant les enregistrements des jams, c'était fort. Pour être fort. va mieux là ? Thank you. Ouais, bah attends, je vais me coucher moi aussi. C'est Babeba ton prénom? On se voit demain, Phil. Et il faudra que tu passes un jour en Auvergne. C'est bien internet, mais bon. Sildo, c'est un prénom, Sildo? Bah, Sildo, enchanté d'avoir fait ta connaissance. J'espère qu'on se fera un bœuf. Une prochaine fois. Parce qu'il faut aller dormir. Avec Phil. La basse, c'est quand même un instrument que je préfère. On va dire que c'est celui où je me débrouille un peu mieux que les autres. Et je crois que... Merci, Phil. Et je crois, Sildo, je crois que tu seras d'accord avec moi, c'est qu'un groupe t'enlève la basse, ils sont pas dans la merde, quoi. Par contre, moi, ce que j'ai vécu, c'est des fois avec des batteurs, ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Enfin, normalement, si y a un bon batteur, ça passe toujours, mais des fois, t'as des batteurs... Il n'y a pas l'harmonie entre bassiste et batteur, ça passe pas. Le batteur, normalement, il doit... C'est chef d'orchestre, quoi. J'étais bassiste. Moi, j'étais bassiste dans le dernier groupe où j'étais, là. J'étais remplacé par un bassiste meilleur que moi. Et c'est marrant parce que j'ai été les écouter et bon, ça passe mieux avec les batteurs. Mais le batteur, il a tendance à suivre les guitaristes, ce qui est pas normal, quoi. Normalement, le batteur, c'est lui qu'on suit. Hein. Et s'il n'y a pas l'harmonie entre